Vous écoutez France Culture. Deuxième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux mousquetaires à l'occasion de l'exposition qu'il aurait consacrée au musée de l'armée à Paris qui vient de commencer et qui se terminera pendant l'été. Après avoir hier exploré avec Jean-Marie Constant la personnalité d'Athos, Athos le noble taraudé par un secret, et avant demain de nous arrêter sur Aramis et sur la religion, en particulier au XVIIe siècle, et jeudi de traiter de D'Artagnan et des hommes d'armes dans ce même siècle, nous allons ce matin nous intéresser, grâce aux lectures des extraits de Dumas qui seront effectués ici même par Daniel Königsberg, comme tous les jours de la semaine, à la figure du bon vivant, celle de Porthos. Que signifie la taille de Porthos des Trois Mousquetaires? Que nous dit-il ce Porthos du regard porté sur l'embonpoint au XVIIe siècle? Assiste-t-on à cette époque à un changement de regard sur ceux qui aiment les plaisirs de la table? C'est ce que nous verrons avec nos deux invités. Florent Quellier, il est maître de conférence à l'Université de Tours, titulaire de la chaire CNRS, Histoire de l'alimentation des mondes modernes, et auteur, entre autres, de Gourmandise, Histoire d'un péché capital aux éditions Armand Collin. Et nous avons le plaisir également d'avoir avec nous Georges Vigarello. Il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a co-dirigé, entre autres, parmi les nombreux ouvrages qu'il a pu écrire, l'histoire du corps, c'était Au Seuil, en trois volumes. Et il est également l'auteur des Métamorphoses du gras, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, Histoire de l'obésité, toujours Au Seuil. Au centre du groupe, le plus animé était un mousquetaire de grande taille, d'une figure hautaine et d'une bizarrerie de costume qui attirait sur lui l'attention générale. Il ne portait pas, pour le moment, la casaque d'uniforme, qui, au reste, n'était pas absolument obligatoire dans cette époque de liberté moindre, mais d'indépendance plus grande, mais un juste au corps, bleu de ciel, tant soit peu fané et râpé, et sur cet habit un baudrier magnifique, en broderie d'or, et qui reluisait comme les écailles dont l'eau se couvre au grand soleil. Un manteau long de velours cramoisi tombait avec grâce sur ses épaules, découvrant, par devant seulement, le splendide baudrier auquel pendait une gigantesque rapière. Ce mousquetaire venait de descendre de garde. À l'instant même, se plaignait d'être enrhumé et toussait de temps en temps avec affectation. Ainsi avait-il pris le manteau à ce qu'il disait autour de lui, et tandis qu'il parlait du haut de sa tête, en frisant dédaigneusement sa moustache, on admirait avec enthousiasme le baudrier brodé et D'Artagnan plus que tout autre. « Ah, Porthos !» s'écria un des assistants, « n'essaie pas de nous faire croire que ce baudrier te vient de la générosité paternelle. Il t'aura été donné par la dame voilée avec laquelle je t'ai rencontré l'autre dimanche vers la porte Saint-Honoré. » Voilà donc pour ce premier portrait de Porthos, tiré des œuvres bien entendu d'Alexandre de Dumas. Donc d'Alexandre Dumas, un Porthos qui n'a pas grand-chose à voir avec le Isaac de Porto, donc qui était lui né en 1617 à Pau, qui avait fait campagne avec D'Artagnan et qui lui a servi pourtant de modèle alors qu'il avait participé au siège de Perpignan en particulier en 1642. Un Porthos de fiction, mais nous allons traiter d'homme de réalité, de la réalité du XVIIe siècle, avec nos deux invités, Florent Quellier, bonjour, et Georges Vigarello, bonjour à vous. Bonjour. Alors, évidemment, comme tout le monde, vous avez rejeté un œil sur les Trois Mousquetaires, et en particulier sur les Trois Mousquetaires à propos de cette figure de Porthos. Vous qui êtes spécialiste, en particulier de cette histoire du corps, sur la très longue durée, et qui avez travaillé pour les Métamorphoses du gras sur une histoire de l'obésité, qu'est-ce qu'il représente, ce Porthos, par rapport à ce XVIIe siècle que vous connaissez bien? Ce qui est d'abord frappant dans ce que dit dit Alexandre Dumas, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de description physique de Porthos. En dehors de quelques adjectifs, il est gigantesque, il est grand, il a une main qui est herculéenne. En dehors de ça, on ne voit pas vraiment une forme. Mmh. On voit des habits aussi, on voit ce fameux baudrier qui est le support de l'épée, qui est somptueux. D'ailleurs, il y a l'adjectif somptueux qui revient à plusieurs reprises. Dans le cas de Porthos, je pense en particulier à la description de son appartement. Mais on déduit le physique à partir du caractère, c'est le mot qui revient souvent d'ailleurs, le caractère dans le texte de Dumas, à partir du caractère, à partir de son comportement. Vous voulez dire que, par exemple, les auteurs de cinéma qui se sont inspirés de Dumas pour en tirer des films et qui ont toujours représenté le Porthos comme une personnalité un peu hors norme, et très gros, et très grand, etc., se sont peut-être trompés ou ils ont extrapolé par rapport à ce qu'avait écrit Dumas ? Je pense qu'ils ont interprété. C'est-à-dire qu'on voit bien que Dumas laisse entendre, effectivement, qu'il s'agit de quelqu'un qui est épais, voire lourd, mais il ne le dit pas de façon claire. Et donc, au fond, ce qui domine dans ce type de description, c'est quelque chose qui est plutôt dans de la métaphore. Autrement dit, il y a un comportement qui est celui de la somptuosité, de la grandeur, qui est celui aussi, d'ailleurs, de la nourriture, on en parlera. Mmh. Il y a ce comportement-là, et on déduit à partir de ce type d'attitude quelque chose qui est de l'ordre de la forme. Mais la forme, en revanche, n'est pas dite. Et vous, vous êtes intéressé à la silhouette, et en particulier à toute la question des silhouettes. Bien sûr. Dans un livre qui s'appelait, d'ailleurs, comment il s'appelait ? L'histoire des silhouettes ? La silhouette, histoire d'un défi. Voilà. Donc, vous qui vous êtes intéressé aux silhouettes, vous êtes particulièrement sensible à cela, Jean-Philippe Arnaud. Absolument. Je suis très sensible à ça, bien entendu. Et je trouve que ce qui est vraiment très très intéressant, c'est le côté de la suggestion, en quelque sorte. Le corps n'est pas décrit comme Balzac pourrait le faire. Balzac se répand en ligne, voire en page, sur des descriptions physiques. Le corps n'est pas vraiment décrit. En revanche, il est interprété à partir de quelque chose qui est de l'ordre du psychologique et du caractère. Une sorte de behaviorisme avant la lettre. On pourrait dire, je pense. Oui. Florent Quellier, vous aussi, vous êtes spécialiste, entre autres, de l'histoire de l'alimentation et vous êtes auteur de Gourmandise, histoire d'un péché capital. Même chose à propos de Porthos, vous le décririez comment ? Vous le verriez comment, vous, alors dans le coup, à partir de ce que vous avez pu relire ? Alors, comme un bon vivant, on a une petite description de son visage où on nous dit qu'il a le teint vermeil quand il va assister à ce repas chez Madame Coquenard. Donc là, on a cette image un petit peu du bon vivant, mais c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'informations, si ce n'est une stature importante. Et par contraste par rapport à Aramis et par rapport à D'Artagnan, on imagine effectivement une stature. Maintenant, si on est sur la logique 17e, la réalité 17e, et qu'on essaye de définir à quel type d'amateur de la bonne chair il appartient, puisque tous, en fait, les trois mousquetaires et D'Artagnan sont amateurs de bonne chair, Porthos, en fait, est un goinfre dans le sens du premier 17e. Au premier 17e, un goinfre, c'est quelqu'un, un bon compagnon sans bonne manière de table. C'est le sens que donne, par exemple, Randall Cotgrave dans son dictionnaire franco-anglais en 1611, cette définition du goinfre. C'est le sens qu'on a, par exemple, aussi chez Saint-Amand, le poète, en 1629, lorsqu'il qualifie un poème, il parle d'un style goinfre, c'est-à-dire sans élégance. C'est le sens également qu'on a dans les historiettes de Talmand et Réaud, lorsqu'il parle des goinfres, ses compagnons de Gaston d'Orléans, où là aussi on est vraiment sur des gens qui n'ont pas de manière. Et ça, c'est important parce que on a comme ça une bonne définition de ce qu'est Porthos. Alors, arrêtons-nous peut-être un instant sur ce que vous venez de dire, Florent Quellier, parce que ce goinfre, il se place où dans une sorte de hiérarchie du goût ? Il est placé où ? Et surtout, il vient d'où ? Est-ce qu'il vient, par exemple, de cette gourmandise qui est gourmandée, sans faire de jeu de mots, par en particulier tout un tas d'ecclésiastiques du Moyen-Âge qui la condamnent donc comme étant un péché non plus véniel mais un péché capital. Alors, si on raisonne en inné et acquis, Porthos, il a ni l'inné, l'inacquis par rapport à la gourmandise, à la bonne gourmandise. Il n'a pas l'inné parce qu'il n'a pas la naissance. Alors que Athos, qui est noble, qui est aristocrate, lui, il a la naissance, donc il a le savoir-vivre, il a la bonne éducation de table. Dans le roman, on nous dit clairement, il sait positionner les convives en fonction de leur rang de naissance. Il n'a pas non plus l'acquis parce que c'est pas un lettré, contrairement à Aramis. Aramis, c'est quelqu'un qui connaît les bonnes manières de table. Aramis, c'est quelqu'un qui aurait pu lire L'art de plaire à la cour de Nicolas Faret, qui est publié en 1630. Le roman se passe entre 1626 et 1628. Absolument. Et vous voyez que Porthos, c'est vraiment la gourmandise la plus ancienne qu'on puisse trouver trouver. C'est-à-dire que si on est dans une hiérarchie, il est en bas de l'échelle, mais il n'est pas encore condamné. Il serait condamné dans le second XVIIe siècle, où son comportement goinfre dégoûterait les convives. Ce n'est pas encore le cas dans le premier XVIIe. Alors, puisque vous faites la comparaison avec Athos, deuxième texte tiré de Dumas, lu pour nous par Daniel Königsberg, Porthos et Athos. Porthos, comme on a pu le voir, avait un caractère tout opposé à celui d'Athos. Non seulement il parlait beaucoup, mais il parlait haut. Il parlait pour le plaisir de parler et pour le plaisir de s'entendre. Il parlait de toute chose, excepté de science, excipant à cet endroit de la haine invétérée que depuis son enfance il portait, disait-il, aux savants. Il avait moins grand air qu'Athos, et le sentiment de son infériorité à ce sujet l'avait, dans le commencement de leur liaison, rendu souvent injuste pour ce gentilhomme qu'il s'était alors efforcé de dépasser par ses splendides toilettes. Mais avec sa simple casaque de mousquetaire, et rien que par la façon dont il rejetait la tête en arrière et avançait le pied, Athos prenait à l'instant même la place qui lui était due et reléguait le fastueux Porthos au second rang. Porthos s'en consolait en remplissant l'antichambre de M. de Tréville et les corps de garde du Louvre du bruit de ses bonnes fortunes dont Athos ne parlait jamais. Et pour le moment, après avoir passé de la noblesse de robe à la noblesse d'épée, de la robine à la baronne, il n'était question de rien de moins pour Porthos que d'une princesse étrangère qui lui voulait un bien énorme. Quant à Porthos, excepté son véritable nom que M. de Tréville savait seul ainsi que celui de ses deux camarades, sa vie était facile à connaître, vaniteux et indiscret. On voyait à travers lui comme à travers un cristal. La seule chose qui eût pu égarer l'investigateur eût été que l'on eût cru tout le bien qu'il disait de lui. Porthos avait des fougues. Ces jours-là, s'il gagnait, on le voyait insolent et splendide. S'il perdait, il disparaissait complètement pendant quelques jours, après lesquels il reparaissait, le visage blême et la mine allongée, mais avec de l'argent dans ses poches. Voilà donc un deuxième portrait de Porthos, tiré des Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas. Alors Georges Vigarello, si on fait la même archéologie, pourrait-on dire, de cette figure du grand, du gros, disons de la personne qui en impose en tous les cas, puisqu'on ne sait pas exactement quelle est sa silhouette, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à la longue durée sur laquelle vous avez travaillé à propos des métamorphoses du gras et de l'histoire de l'obésité ? Mais je pense que ce qui est à nouveau présent dans ce qui vient d'être dit, ce sont des caractères de type psychologique. Vaniteux, c'est un beau grande parleur. Gueule. Grande gueule, il parle haut. Et c'est à partir de là qu'on déduit finalement son attitude. Alors, si on prend les exemples au niveau du XVIIe siècle, c'est vrai que les descriptions également ne rentrent pas de façon très précise dans la désignation de la silhouette. Je pense par exemple aux descriptions qui sont peut-être un petit peu tardives sur le XVIIe, qui sont celles de Saint-Simon. Saint-Simon ne rentre pas vraiment dans la ligne du corps. Lorsqu'il décrit Monseigneur, il le décrit grand, haut, un petit peu noble sur son cheval, grande mine, vous voyez, mais il n'y a pas vraiment de description physique. Ça veut dire qu'on ne porte pas d'intérêt mais, à cela ou mais c'est... Si, alors on porte un intérêt à cela, pour la première fois, me semble-t-il, au XVIIe siècle, dans la mesure où on lit le problème de la lourdeur a un problème qui porte sur l'efficacité. Voilà. Autrement dit, le XVIIe siècle commence à s'intéresser incontestablement à la façon dont les personnes peuvent être opérationnelles. Et donc vous avez, par exemple, des descriptions... Une sorte d'efficacité. Ben oui, qui ne rentrent pas dans le détail de la ligne du corps, mais qui n'en sont pas moins des références à la lourdeur. Vous avez des descriptions de ce genre dans Vauban. Vauban dit, par exemple, ne prenez pas des militaires qui sont trop gros parce qu'ils seront inefficaces. De même qu'il y a une remarque apparemment indirecte, mais absolument passionnante à mes yeux, dans des fables de La Fontaine, lorsque La Fontaine décrit la belette qui mange trop et qui ne peut plus ressortir pour l'endroit où elle est entrée. Oui. Vous voyez ? Donc il y a bien quelque chose ici qui porte sur les conséquences de la grosseur quant à la manière dont l'individu peut s'inscrire dans le social. Oui, parce que non seulement le gros devient peut-être impotent, donc il a moins de puissance, mais aussi il a peut-être un caractère qui est moins agile, moins rapide, et dans une société qui devient de plus en plus, qui recherche une efficacité plus grande. Qui recherche quelque chose qui est de l'ordre de la technique. Et on le voit, quand on regarde la façon dont le physique est rendu concret et dynamique dans la description d'Alexandre Dumas, on voit deux choses. On voit évidemment la grandeur qui est liée à de la force, mais en même temps, on voit que cette force, elle peut parfois être, au fond, traversée par de la lenteur. Dans le fameux combat qui a lieu à Chantilly, au fond, Porthos est acculé parce qu'il n'est pas assez rapide. Et finalement, il perd, vous voyez. Donc, il y a quelque chose ici qui renvoie au fait que, au fond, être lourd, ça peut porter des conséquences négatives. Et pourquoi est-ce nouveau, selon vous, dans ce XVIIe siècle? Ça tient à quoi? C'est un changement des mœurs, des regards portés sur, justement, la nécessité d'une efficacité plus grande dans la société? Ça tient à quoi, Georges Vigarello? Oui, je pense qu'il y a une exigence qui commence à glisser et qui porte sur, sur les métiers, sur l'efficacité dans les métiers, sur la diversification technique que ces métiers impliquent et qui renvoie nécessairement du coup à des habitus corporels. Ça veut dire qu'on vient de loin, puisque vous expliquez dans les Métamorphoses du Gras que au Moyen-Âge, dans un certain Moyen-Âge, pas tout le Moyen-Âge, en particulier être gros, c'était une sorte de promotion qu'on pouvait parfois, à certains moments, évidemment, il y a eu des ruptures de temps entre ce haut Moyen-Âge et puis la période du XVIIe siècle, promouvoir le gros parce que, par exemple, le gros faisait penser à l'ours, et l'ours était à la fois un personnage ambivalent, qui était lourd et agile à la fois. Et agile, oui, c'est ambivalent. Alors cette ambivalence, elle se poursuit, parce que on voit bien que chez Porthos, il y a à la fois cette lourdeur qui n'est pas décrite physiquement, mais qui n'en est pas moins présente, et en même temps, quelque chose qui est de l'ordre de l'élégant. Il n'est pas élégant, mais il a une prestance, vous voyez. Donc, au fond, cette sorte de contradiction, de paradoxe se maintient. En revanche, c'est vrai qu'une différence commence à se marquer au XVIIe, où le gros est Porthos. De quelque chose qui est plus négatif que ce qui existait auparavant. Et ça nous vient quoi d'Italie, des cours italiennes, de Castiglione, du livre du courtisan, c'est-à-dire de l'idée que l'indolence, tout compte fait, serait un défaut, en particulier pour les personnalités qui veulent diriger les sociétés? Alors oui, effectivement, je pense qu'il y a deux grandes dynamiques. Il y a une dynamique qui porte sur une noblesse nouvelle, qui est la noblesse du courtisanat. Et cette noblesse du courtisanat implique quelque chose qui est dans la légèreté, de la danse, de la possibilité de s'adapter finalement à l'étiquette qui est exigeante et qui suppose que les personnes ont une forme de mobilité et de légèreté. Et le mot léger revient systématiquement dans le texte de Castiglione en 1528. Il y a cela. Et puis ensuite, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a une société qui entre de plus en plus dans la problématique des métiers, dans la problématique de l'efficacité. Et d'ailleurs, ça renvoie aussi à un changement qui est très important, me semble-t-il, et qui porte sur la pauvreté. Autrement dit, la pauvreté, c'est une position qui est relativement louée dans la tradition médiévale et qui va au contraire être de plus en plus critiquée dans la position moderne. Alors, tout de même, entre-temps, on a eu des figures comme celles qui ont été promues par Rabelais, Gargantua, qui sont des figures là de goinfre. Et vous dites, vous, Florent Quélier, qu'au bout du compte, ces figures, par exemple, de Gargantua ou gargantuesques, comme celle de Porthos, ceux qui mangent beaucoup à table, ces personnalités-là ne sont pas encore totalement marginalisées au moment où se passe l'action des Trois Mousquetaires, mais qu'elles le seront bientôt. C'est-à-dire qu'à la fin du XVIIe siècle, il y aura un véritable tournant. On est encore dans une queue de comète, pourrait-on dire, de cette figure qui peut être à la fois positive et négative, de celui qui mange beaucoup. Exactement, c'est pour ça qu'on a l'image du goinfre, mais au sens positif, alors que le goinfre devient négatif à partir, en gros, des années 1680-1690. On le voit, par exemple, dans les caractères de la Bruyère. Le gnaton, par exemple. Exactement. Non content de remplir à une table la première place, il occupe lui seul celle de deux autres. Il oublie que le repas est pour lui et pour toute la compagnie. Il se rend maître du plat et fait son propre de chaque service. Il ne s'attache à aucun des mets qu'il n'ait achevé d'essayer de tous, etc. etc. Le gnaton des caractères de la Bruyère, c'est justement cette condamnation sans aucune aménité de la figure du goinfre. Du goinfre qui devient un défaut, mais qui n'est pas un défaut au premier XVIIe. Et quand on lit le roman de Dumas, on s'aperçoit que Porthos, il n'est pas dans le processus de cessation des mœurs. Il est à côté, en fait, si on prend l'analyse classique de Norbert Elias. Et on peut même dire qu'il est doublement à l'écart. Il est à l'écart par rapport au XVIIe, puisque lui ne connaît pas sa civilité, contrairement à Aramis et à Athos, mais il l'est également par rapport au XIXe. Si on prend le vocabulaire qui est utilisé par Dumas, lorsque Dumas qualifie Porthos, il utilise deux fois le terme de gourmet. C'est pas innocent que ce soit gourmet, parce que gourmet est un terme médiéval. C'est un terme médiéval, un terme déjà ancien, terme qui renvoie à l'origine à la personne qui sait goûter le vin et qui sait apprécier le vin, et le vin est très présent hein, chez Dumas et dans les Trois Mousquetaires. Et Dumas utilise le terme, l'adjectif gastronomique, qui là est un adjectif inventé au plus 19e. Donc c'est là où on est vraiment sur le 19e. Et il l'utilise pour Athos. C'est Athos qui a des compétences gastronomiques dans le roman, puisqu'il y a un moment où nos trois mousquetaires ont une rentrée d'argent et ils décident de faire un bon repas. Et ils demandent à Athos de commander le repas parce qu'ils savent que Athos a les compétences gastronomiques. À l'inverse, gastronomique est utilisé une fois pour Porthos lorsqu'il va participer à ce repas chez les Coquenards, et l'usage est ironique puisque le repas est un repas ridicule. Mm-hmm. Donc on voit bien que c'est pas un gastronome. Donc là aussi, il y a un décalage par rapport au 19e. Ça veut donc dire, si on vous suit et on a plaisir à vous suivre, Florent Quélier, sur cette histoire de la gourmandise, si on vous suit, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger dans ce premier, entre le premier et le 2e, 17e siècle, quelque chose est en train de bouger, c'est-à-dire la culture du bon goût qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire une distinction entre celui qui est à table et qui se sait se comporter, celui qui est à table et qui ne sait pas se comporter, et dans la particularité d'un pays catholique comme l'est la France à l'époque, le Royaume de France à l'époque, eh bien, il y a cette dimension qu'on peut manger beaucoup, mais avec bon goût, d'une certaine façon. Alors, le bon goût est essentiel. C'est une notion qui s'impose réellement dans la première moitié du XVIIe, avec un usage figuré. Le bon goût en architecture, en peinture, puis après ça donnera le bon goût classique dans la seconde moitié du XVIIe. Et il y a un premier et un second XVIIe, si on raisonne en termes de bon goût. C'est-à-dire qu'on voit clairement que la génération 1660, 1670, 1680, 1680 a été une génération qui a été contrainte par le bon goût. Et donc, il y a un avant et un après. Mmh. Et Porthos, on est bien sur la génération d'avant, qui peut encore se permettre un certain nombre de comportements qu'il ne pourra plus se permettre dans la seconde moitié du XVIIe. Parce qu'il faudra ensuite quoi, savoir contrôler son corps en particulier ? Contrôler son corps, contrôler ses appétits, connaître les bons produits, savoir en parler avec le bon vocabulaire. Donc on le voit pour le vin, mais on le verra également pour les fruits. Comment parler correctement de l'eau d'une poire, par exemple, ou du melon. Donc il y a comme ça toute une codification qui permet de présenter le gourmet ou le friand, ou le coteau, hein, qui sont les termes qu'on utilise pour parler coteau, de la... Le coteau, oui. Le coteau, c'est un terme milieu 17e qui définit l'amateur de bonne chair. Il connaît c'est les positif, bons produits. C'est positif, ça. C'est très positif. Alors que friand peut être positif ou négatif. Coteau, c'est toujours utilisé dans un sens positif au gourmand, 17e siècle. Gourmand, en revanche, ça n'est pas positif dans ce premier 17e. Ah, gourmand, c'est négatif. Ouais. Ça renvoie à la gourmandise, ça renvoie à goula, ça renvoie au péché capital. Et cela, Georges Vigarello, vous le notez aussi dans votre métamorphose du gras, ce premier, ce deuxième, 17e, ces changements comme ça subtils entre des jugements portés justement sur des personnalités qui aimeraient trop justement la bonne chair. Ouais, c'est tout à fait clair que dans la deuxième moitié du 17e, ça a été très bien dit à l'instant, la différenciation faite sur les aliments est de plus en plus importante. On le voit dans les textes d'ailleurs. Les textes qui portent sur la nourriture sont des textes qui commencent à différencier de façon de plus en plus précise les goûts, les choix, etc. C'est très clair. En revanche, moi, ce que je trouve très frappant, c'est quand même l'insensible croissance de la critique à l'égard de la lourdeur et du gros. C'est ça qui me paraît frappant, si vous voulez. L'insensible croissance, c'est-à-dire c'est... De plus en plus. L'insensible croissance, ça augmente. Oui, ça augmente. Tout au long du XVIIe siècle. Tout au long du XVIIe, et en particulier à la fin du XVIIe, je reprends ce que je disais sur Vauban, c'est quand même très clair. Alors, troisième texte lu pour nous par Daniel Königsberg, on est 20 ans après, puisque c'est dans 20 ans après, l'œuvre de Dumas et d'Artagnan et Porthos se retrouvent. Oh, quelle joie de vous revoir, cher D'Artagnan, s'écria-t-il d'une voix qui avait tourné du baryton à la basse. Vous ne m'avez donc pas oublié, vous. Vous oubliez. Ah, cher du Vallon, oublie-t-on les plus beaux jours de sa jeunesse et ses amis dévoués, et les périls affrontés ensemble? Mais c'est-à-dire qu'en vous revoyant, il n'y a pas un instant de notre ancienne amitié qui ne se présente à ma pensée. Oui, oui, dit Porthos en essayant de redonner à sa moustache ce pli coquet qu'elle avait perdu dans la solitude. Oui, nous en avons fait de belles dans notre temps. Et nous avons donné du fil à retordre à ce pauvre cardinal. Et il poussa un soupir. D'Artagnan le regarda. En tout cas, continua Porthos d'un ton languissant. Soyez le bienvenu, cher ami. Vous m'aiderez à retrouver ma joie. Nous courons demain le lièvre dans ma plaine qui est superbe, ou le chevreuil dans mes bois qui sont fort beaux. J'ai 4 lévriers qui passent pour les plus légers de la province et une meute qui n'a point sa pareille à 20 lieues à la ronde. » Et Porthos poussa un second soupir. « Mon cher, dit Porthos, je serai franc avec vous. Je ne suis pas heureux. Ah, je comprends. Vous êtes entouré de croquants que vous ne pouvez pas voir sans déroger. » Porthos pâlit légèrement et vida un énorme verre de son petit vin du versant. « Mais vous le savez, mon cher Madame du Vallon. » Porthos, en disant ces mots, parut avaler avec peine sa salive. « Madame du Vallon, reprit-il, était de noblesse douteuse. Elle avait en première noce, je crois, D'Artagnan, ne vous apprendre rien de nouveau, épousé un procureur. Ils trouvèrent cela nauséabond. Ils ont dit nauséabond. Vous comprenez ? C'était un mot à faire tuer 30 000 hommes. J'en ai tué 2. Cela a fait taire les autres, mais ne m'a pas rendu leur ami, de sorte que je n'ai plus de société, que je vis seul, que je m'ennuie, que je me ronge. Oh ! S'écria Porthos, dont les traits s'épanouirent. Ah, si j'étais baron ! Bon, pensa D'Artagnan, je réussirai ici, puis tout haut. Eh bien, cher ami, c'est ce titre que vous souhaitez que je viens vous apporter aujourd'hui. Seulement, je vous préviens, cher ami, pour que vous ne disiez pas que je vous ai pris en traître, qu'il faudra bien changer d'existence. Comment cela ? Reprendre le harnais, ceindre l'épée, courir les aventures, laisser, comme dans le temps passé, un peu de sa chair par les chemins. Vous savez, la manière d'autrefois, enfin. Comment ne pas sourire à la fois à l'interprétation de Daniel Königsberg, mais aussi à ce texte absolument formidable de 20 ans après. Donc, Georges Vigarello, laisser un peu de sa chair sur les chemins, vous savez, la manière d'autrefois, ben lui aussi, 20 ans après, il se rappelle que peut-être une liberté, peut-être pas simplement la liberté de sa jeunesse, était plus grande 20 ans plus tôt que 20 ans après. Oui, alors ce qui est frappant, justement, c'est que le paradoxe poursuit. Autrement dit, le fait d'avoir été un homme considéré comme épais n'est pas du tout gras, n'est pas du tout contradictoire avec le fait d'avoir été un homme actif et d'avoir, au fond, parcouru les plaines, avoir combattu. Et ça, c'est très frappant parce que, au fond, ça renvoie à quelque chose qui est plutôt anthropologique. C'est-à-dire que l'image de l'homme un peu lourd, c'est en même temps celle, et ça, ça traverse le temps, c'est en même temps celle de l'homme qui est fort, c'est en même temps celle de l'homme qui est actif, alors qu'on aurait tendance à penser, au contraire, que la lourdeur est... Il ne faut pas oublier que tous ces hommes viennent du Sud-Ouest, un Sud-Ouest qui a valorisé depuis, par l'intermédiaire du rugby que vous connaissez bien, Georges Vigarello, des personnalités masculines plutôt fortes, plutôt épaisses, fortes, mais qui vont à la fois dans la vitesse et dans la force. Exactement. Et la Et ce qui apparaît contradictoire et qui en fait est tout à fait rendu possible. Alors ce qui me frappe aussi, et je reviens à ce que disait Florent Quellier tout à l'heure, ce qui me frappe aussi c'est quand même le côté quantitatif. Quand on lit le texte de Dumas, on voit bien que s'accumulent les bouteilles, en l'occurrence chez Porthos. Et chez les autres aussi d'ailleurs. Et chez les autres aussi, mais chez Porthos particulièrement, les bouteilles vides et puis les fameuses casseroles qui sont multiples. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du cumul. Florent Quellier, sur cette figure de Porthos telle qu'elle est décrite dans 20 ans après en particulier. Alors sur on voit cette le renvoi à sa jeunesse montre bien effectivement qu'il y a un espace de liberté qui a disparu. Dumas, on voit qu'il a une bonne compréhension, connaissance du XVIIe. Et c'est ça qui est assez intéressant quand on lit ce qu'on a déjà dit hier. C'est impressionnant. Ce qu'a dit Jean-Marie Constant, c'est qu'à part quelques points de détail sur la noblesse du XVIIe siècle, il avait compris au début du XIXe siècle à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur ces évolutions, sur ce code de l'honneur, sur cette amitié, sur cette fidélité qu'on devait avoir à la fois à ses amis, mais aussi aux amis de ses parents, par exemple, pour pouvoir continuer après la guerre de religion, pacifier peut-être la société de l'époque. Oui, il y a une excellente connaissance de la culture du XVIIe. Et quand on le lit, on comprend que lui et ses collaborateurs ont lu les mémorialistes du XVIIe. C'est une évidence, parce qu'il y a des passages qu'on retrouve dans des mémoires. Je pense à Bussy Rabutin, je pense à éventuellement Madame de Laguette ou Gourville. On retrouve comme ça des références aux mémoires du XVIIe. On pense également aux romans comiques, aux romans burlesques. Et donc là, c'est l'espace de liberté du premier XVIIe. Il évoque clairement Don Quichotte, mais quand on le lit, on pense aussi à Scarron, on pense à Sorel, on pense à Furetière. C'est-à-dire qu'on voit très très bien cette influence-là également. Et puis on pense aux gravures du premier XVIIe qui renvoient également à cet espace de liberté un peu burlesque. Je pense à Bram Bosse, par exemple. Donc il y a toute cette culture qui explique qu'on ait une vision assez juste du XVIIe, si ce n'est parfois des anachronismes. Alors, si on prend le vin, par exemple, on est sur les bonnes origines géographiques, c'est-à-dire qu'on est au nord de la Loire, essentiellement. Donc, on ne boit pas du vin de Bordeaux, on boit du vin de la Loire, du vin de Bourgogne, mais ce sont des vins vieux. Donc là, ça pose un peu problème pour le premier XVIIe. Parce qu'on ne buvait pas de vin vieux. On n'a pas encore ces vins de cuvaison, ces vins, ces grands crus. Le champagne est présenté comme un champagne qui mousse. Là aussi, ça pose un petit peu problème. Mais globalement, on a une vision assez juste de cette culture. Alors, Georges Vigarello, on a parlé du gros, on a parlé du gras, on n'a pas parlé de son antithèse, c'est-à-dire le maigre. Et le maigre, on pourrait penser que le maigre est considéré comme positif dans ce XVIIe siècle. Or, ce que vous nous expliquez, c'est par exemple que Madame de Sévigné considère que la maigreur de sa fille la tue et que cette maigreur n'est pas non plus vue comme quelque chose de positif. Il faut se positionner entre l'excès de l'un et l'excès de l'autre. Alors d'abord, il y a une difficulté à partir des mots à interpréter les formes. Voilà, vous dites ça, oui, effectivement. Oui, quand on dit gros ou très gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'ils n'ont pas, ils ne disposent pas, contrairement à la période actuelle, ils ne disposent pas de repères pour arriver à préciser les formes. Ils n'ont que les mots à leur disposition. Ils ne peuvent pas indiquer les poids, les gens ne se pèsent pas. Ils ne peuvent pas non plus indiquer, par exemple, les tours de taille. Vous voyez, c'est extrêmement allusif, le tour de taille, même si parfois on peut le trouver. Même au XVIe, on peut trouver, par exemple, chez Rabelais, le fait qu'il donne le tour de taille de Gargantua. Mais ça reste extrêmement flou. Donc, il faut se fonder sur les mots. Alors, si on se fonde sur les mots, effectivement, celui de maigreur est considéré comme un repère inquiétant parce que ça renvoie à la consomption, c'est-à-dire au fait d'être complètement exténué, à la maladie, de brûler de l'intérieur. Brûler de l'intérieur, à la phtisie, vous voyez, les os qui apparaissent. Et c'est ça, finalement, la maigreur. Autrement dit, le mot maigreur, aujourd'hui, a peut-être un sens un petit peu différent, alors qu'au XVIIe, il a un sens directement centré sur le côté inquiétant. Et l'entre-deux, c'est l'embonpoint. Qui aujourd'hui, au contraire, est perçu comme une donnée un petit peu excessive quant à la ligne. Le mot embonpoint, au contraire, au XVIIe, est considéré comme un milieu. Vous voyez, et c'est un mot nouveau, dites-vous. Et c'est un mot qui nous vient du XVIe siècle. Absolument, en fait. Absolument. Et c'est un mot nouveau et c'est un mot difficile parce que il faut retrouver l'embonpoint. C'est-à-dire, il faut retrouver le point qui est bon. Vous voyez. Et alors, le mauvais point, au contraire, c'est celui qui ne convient pas. Je l'ai depuis longtemps, l'embonpoint, donc j'ai le bon point depuis longtemps. Donc voilà, on se fonde Daniel Koenigsberg aussi. On se fonde à la fois sur des mots et sur des adjectifs et on ne parvient pas à préciser de façon tout à fait rigoureuse le profil. Je voudrais dire une chose supplémentaire qui me frappe dans le rapport entre le texte de Dumas et le XVIIe. Je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est quelqu'un qui a lu avec précision les mémoires et les textes, bien entendu. Et sinon, lui, ses collaborateurs. Collaborateurs, fait remonter à lui indiscutablement, indiscutablement. Mais en même temps, il se laisse prendre par des repères qui sont ceux du 19e siècle, et en particulier ceux qui portent sur la façon dont l'émotion est physiquement ressentie. Le fait que le corps, par exemple, est traversé par l'émotion de bout en bout, et que finalement, c'est le nerf, le côté, le nerf, l'imprégnation du corps par l'émotion. Ça, c'est très... pas du tout indiqué au XVIIe siècle, vous voyez. Donc il y a en même temps... On veut découpler justement l'émotion de la nervosité du corps. Voilà, l'émotion reste quelque chose de plutôt psychologique, si vous voulez, alors que là, au contraire, il y a une imprégnation physique extrêmement forte, et je trouve que notre modernité a gagné de ce point de vue-là, en donnant des repères de plus en plus précis sur la façon dont le corps est emporté par la manière dont il est ému. Florent Quélier. Oui, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Georges Vigarello, c'est vrai que Dumas reste un homme du XIXe, mais ce qui est intéressant, c'est ce constant dialogue 19e XIXe, XVIIe, qui brouille totalement notre compréhension que nous, nous pouvons avoir du XVIIe, oui, parfois d'ailleurs. Mais sur c'est difficile à dire parce que vous nous dites, tout compte fait, il est bien renseigné, donc il a une bonne vision, mais il a quand même une vision d'un homme du XIXe siècle. On le voit par exemple très bien avec le maigre, mais cette fois le maigre, la pénitence alimentaire. Pour lui, homme du XIXe, le maigre, c'est de la pénitence. C'est vraiment associé à l'abstinence. On le voit deux fois. Alors, ce n'est pas Porthos, évidemment, qui fait le maigre, puisque ça n'irait pas avec l'image du bon vivant. Or, au XVIIe, on peut faire maigre et bon vivant. Il n'y a aucun problème grâce au maigre gastronomique. Et ça, Dumas passe qu'est-ce totalement qu'on appelle à côté. Le maigre gastronomique. Le maigre gastronomique, c'est respecter... C'est bien choisir ses poissons, ses viandes. Exactement. Non, pas les viandes. Viande, ça dépend comment vous entendez viande. Ça peut être des viandes blanches, par exemple. Alors, si c'est macreuse, éventuellement, ouais. Après, ça dépend si vous avez des dispenses ou pas. Le maigre gastronomique, c'est respecter à la lettre l'interdit de consommation d'aliments carnés, mais non l'esprit de pénitence, qui est quelque chose qui se développe en Italie et en France au XVIe, XVIIe, et qui explique l'existence d'une vraie cuisine du poisson dans ces deux gastronomies. Dumas, lorsqu'il aborde le maigre, il ne l'aborde que pour Aramis et pour Milady quand elle est en prison en Angleterre où elle veut séduire un puritain. Et on voit très bien que pour lui, le maigre, c'est la mortification de la chair. Ouais. Ce qui n'est absolument pas la définition qu'on peut avoir, ou en tout cas la pratique plutôt, que l'on peut avoir au XVIIe. Oui, parce que vous expliquez dans votre livre sur la gourmandise qu'on peut être gourmand et pratiquer le maigre gastronomique, justement. Exactement. Et par exemple, si on prend le maigre avec Aramis, où il mange des épinards, l'épinard est effectivement un végétal, un légume que l'on consomme en maigre, mais il y a une dimension plaisir au XVIIe, qui n'apparaît absolument pas dans le roman de Dumas. Et à un moment, lorsque D'Artagnan arrive, il refuse de consommer ce maigre et il commande de la viande lardée, ce qui est impossible un vendredi au XVIIe. Donc il y a comme ça des petites erreurs très XIXe. Alors il faut dire aussi que ce XVIIe siècle est un siècle d'arrivée de nouveaux aliments, Georges Vigarello, et que ces nouveaux aliments ont quelque chose à voir avec la potentialité de grossir. Vous notez, bon évidemment c'est l'arrivée du café, puis du chocolat, mais c'est aussi l'augmentation du sucre. Et cela, c'est tout à fait notable. Dans ce XVIIe siècle, le sucre devient, prend une part de plus en plus grande, en particulier dans les populations plutôt aisées, prend une part de plus en plus grande dans l'alimentation. Et ce sucre, évidemment, on le sait aujourd'hui, participe à un certain embonpoint. Oui, parce que ce qui a profondément changé, c'est le lieu où le sucre est produit. Et l'Amérique permet de ce point de vue-là de démultiplier les productions de sucre à partir du XVIe siècle. D'ailleurs, dans le premier XVIe siècle, on voit bien que le sucre qui est encore fabriqué à Candie, en Grèce, du côté de Levant, ce sucre-là est considéré comme un médicament. Par exemple, lorsque Dürer voyage dans les pays allemands, Hollande, etc., il explique qu'il consomme du sucre au fond pour se soigner. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui reste encore relativement limité et qui a un aspect qui porte finalement sur la façon dont le corps peut se transformer. Alors qu'à partir du moment où le sucre envahit, en quelque sorte, c'est fort. Ce que certains ont appelé la révolution du sucre. Ben oui, à partir du moment où le sucre pénètre de manière forte dans les pays européens, la consommation grandit, on le voit très bien d'ailleurs dans les produits, même la façon de sucrer les alcools, etc. À partir du moment donc où le sucre pénètre, vraisemblablement il a des effets, c'est pas dit de façon claire, mais vraisemblablement il a des effets sur la physiologie corporelle. Alors certains vont jusqu'à interpréter la transformation même des présentation de personnes dans la peinture, en montrant que la peinture de la fin du XVe présente des corps qui sont encore relativement fluides, si vous voulez, et qu'au contraire, la peinture... Rubens, voilà. Et que la peinture plus tardive représente des corps plus enrobés. Florent Quélier. Sur le sucre, si on prend le roman de Dumas concernant le sucre, là, on voit très bien qu'il est dans une lecture 19e du sucre. C'est-à-dire que nos mousquetaires n'en mangent pas. C'est-à-dire que Dumas est totalement dans l'idée que le sucre est associé au dessert et au monde féminin, mais pas au monde masculin. Le sucre n'apparaît que deux fois dans le roman. Il y a une collation de confiture lors du fameux bal avec les ferrets de la reine et lors du repas chez les Coq-Noirs. Et Porthos ne mange pas le dessert, justement. ce qui est une façon d'indiquer sa virilité. Oui. Et là, on est sur une lecture 19e qui n'est absolument pas une lecture du premier 17e. Vous voulez dire que le premier 17e ne distingue pas entre consommation masculine ou féminine du sucre. Ça viendra plus tard et que, du compte fait, Dumas est tributaire de cette vision plutôt 19e d'un sucre qui serait donc plutôt destiné au féminin. Oui, là, on est vraiment sur une influence du discours gastronomique français tel qu'il est construit par Grimaud de la Reynière ou Brillat-Savarin. Donc au 18e, fin 18e, début 19e. Alors, quatrième texte, lu pour nous par Daniel Königsberg. Porthos est un colosse qui ronfle et c'est dans le Vicomte de Bragelonne. Porthos était étendu sur un lit, la face violette plutôt que rouge, les yeux gonflés, la bouche béante. Ce rugissement qui s'échappait des profondes cavités de sa poitrine faisait vibrer les carreaux des fenêtres. À ses muscles tendus et sculptés en saillie sur sa face, à ses cheveux collés de sueur, aux énergiques soulèvements de son menton et de ses épaules, on ne pouvait refuser une certaine admiration. La force poussée à ce point, c'est presque de la divinité. Les jambes et les pieds herculéens de Porthos avaient, en se gonflant, fait craquer ses bottes de cuir. Toute la force de son énorme corps s'était convertie en une rigidité de pierre. Porthos ne remuait pas plus que le géant de granit couché dans la plaine d'Agrigente. Sur l'ordre de Pélisson, un valet de chambre s'occupa de couper les bottes de Porthos, car nulle puissance au monde n'eût pu les lui arracher. On lui coupa le reste de ses habits, on le porta dans un bain, on l'y laissa une heure, puis on le revêtit de linge blanc et on l'introduisit dans un lit bassiné, le tout avec des efforts et des peines qui eussent incommodé un mort, mais qui ne firent pas même ouvrir l'œil à Porthos et n'interrompirent pas une seconde l'orgue formidable de ses ronflements. Voilà tout de même une figure de Porthos plutôt dégradée. Et là, vraiment, on est dans ce que vous racontez, Georges Vigarello, c'est-à-dire un personnage qui ne peut même plus bouger son corps. Il est tellement lourd qu'il pèse et ce sont ses serviteurs qui doivent le déplacer. Alors, c'est un texte magnifique, mais c'est vrai que si on suit les adjectifs, on voit qu'il y a le mot herculéen. Énorme corps. Énorme. Et si on suit les substantifs, on voit qu'il y a quand même le mot muscle. Ouais. Et c'est cela que je trouve frappant, vous voyez. Cette idée selon laquelle, au fond, l'épaisseur renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de l'Hercule et de l'ordre de la force. Et ça me paraît assez présent, finalement, dans l'ensemble du texte de Dumas. Florent Quélier, c'est vrai que les inconvénients, pourrait-on dire, du corps du gourmand sont pointés du doigt depuis longtemps. Au Moyen-Âge, les flatulences, par exemple, ou encore les ronflements, comme ici, sont montrés comme étant justement les figures d'un défaut, voire d'un péché. Alors, c'est le signe d'un dérèglement du corps. Un dérèglement du corps, donc, qui renvoie à la notion de péché. Et puis, il y a toutes les pathologies associées à la gourmandise. La gourmandise en tue plus que l'épée, c'est un proverbe du Moyen-Âge qu'on retrouve au XVIe, XVIIe. On peut penser à la goutte là qui est omniprésente dans les correspondances du temps ou dans les mémoires du temps, où on voit ces pathologies autour de la bonne chère. Et chez Louis XIV en particulier. Oui, mais beaucoup. Il n'y a pas que Louis XIV. C'est vrai que là, on a la chance d'avoir un cas qui a été absolument un journal tenu par les premiers médecins du roi. Voilà. Donc, il y a toute cette dimension effectivement pathologique autour du corps du gourmand et de l'âme du gourmand. Les deux sont liés avec une offensive morale d'essayer de civiliser ou désanimaliser le corps du gourmand. Donc, les ronflements, etc. Tout ça est associé plutôt à l'aspect animal du gourmand, et donc il faut essayer de lutter contre tout ce qui pourrait rendre sonore son corps. Parlons quand même un peu religion avec vous, pas simplement religion médiévale, on l'a fait un petit peu en évoquant les condamnations par les prêtres du Moyen-Âge de cette gourmandise, mais religion du XVIIe siècle. Que dit la religion du XVIIe siècle? Que dit le jansénisme de ces corps qui seraient trop gros, trop gras, trop lourds, trop gourmand, des corps Alors, gourmands. On a un courant rigoriste dans le catholicisme qui va traverser tout le XVIIe siècle, mais qui a toujours été minoritaire et qui condamne la bonne chère en gras et surtout en maigre. On a notamment des controverses célèbres sur les aliments autorisés en carême qu'on retrouve pendant tout le siècle. Et vous avez le passage très intéressant dans les provinciales où Pascal met en avant les dispenses accordées par les jésuites pour ne pas suivre le carême, qui pour Pascal est bien la preuve d'un relâchement. En tout cas, beaucoup de contemporains ont souligné ce relâchement de la discipline religieuse concernant l'alimentation. Mais en parallèle, vous avez quand même une partie majoritaire du clergé qui est qui appuie quand même la bonne chère, puisque ça permet d'indiquer son rang dans le siècle, et il n'y a pas de condamnation dans le catholicisme du plaisir gustatif. Et vous d'ailleurs, vous allez un peu loin, mais c'est fort intéressant, Florent Kelly, dans votre livre sur la gourmandise, puisque vous faites la distinction avec le protestantisme, la table, admettons, du roi d'Angleterre à l'époque, ou la table des bourgeois hollandais ou des bourgeois luthériens ou calvinistes, eh bien n'est pas la même que la table dressée par des catholiques français ou italien ou espagnol, et vous en déduisez peut-être effectivement que sur la variété des plats, sur la capacité à aimer la bonne chère, eh bien, il y a quelque chose qui se déclenche dans ce siècle-là, justement aux alentours du 16e, 17e siècle, de particulier dans un pays comme le nôtre. Alors, le rapport à la bonne chère n'est pas le même du côté de l'Europe catholique du Sud et l'Europe protestante du Nord, et il y a un lien du côté du catholicisme, en tout cas pour l'Europe latine et du Sud, entre les dépenses de table, l'absolutisme et le catholicisme. Mais après, il ne faut pas non plus tomber dans la caricature. Mmh, on est vraiment dans l'ordre du discours. Ouais. Dans l'ordre du discours, on a des cas de protestants bon vivants. Mmh. Par exemple, Gourville est protestant et c'est un adepte de la bonne chère, maître d'hôtel, etc. Donc il faut nuancer. Il y a le discours d'un côté et les pratiques de table de l'autre. Georges Vigarello, sur ces dimensions religieuses, justement, de condamnation ou au contraire d'acceptation, des personnalités, disons, aux tailles un peu plus grandes que la moyenne. Mais je pense qu'effectivement, la religion catholique est relativement tolérante. Pourquoi ? Parce qu'elle participe au monde, c'est-à-dire à la façon dont le mondain fonctionne. Et donc, il y a une tolérance à l'égard du mondain, évidemment. Simplement, je voudrais revenir en arrière et reprendre la position de Porthos tout à l'heure, allongé. Je crois que ce qui est également quelque chose de l'ordre de l'anachronisme, c'est que la manière dont on dort au XVIIe implique le fait que le buste est relativement redressé, pour des raisons complexes qui sont liées à la manière dont on éprouve les humeurs. Et dans un monde où dans un monde où les humeurs dominent le corps, si on s'allonge de manière totalement horizontale, les humeurs risquent de remonter vers le cerveau et la tête, et donc provoquer un certain nombre d'embarras, pour reprendre les mots utilisés au XVIIe. Donc il y a une position très curieuse, qui est une position relativement assise, alors qu'ici, nous avons une position totalement allongée. Donc là, ce serait encore un défaut, on pourrait prendre en défaut des anachronismes. Un anachronisme avec un petit A, si vous voulez. Alexandre Dumas, allez, on a encore un cinquième texte, et celui-ci, il faut absolument le lire, puisque c'est l'épitaphe pour Porthos, la mort de Porthos, lu par Daniel Königsberg. Digne Porthos, né pour aider les autres hommes, toujours prêt à se sacrifier au salut des faibles, comme si Dieu ne lui donnait la force que pour cet usage. Noble Porthos, à quoi bon les châteaux regorgeant de meubles, les forêts regorgeant de gibier, les lacs regorgeant de poissons et les caves regorgeant de richesses? À quoi bon les laquais aux brillantes livrées et au milieu d'eux, mousquetons, fiers du pouvoir délégué par toi? Ô noble Porthos, soucieux entasseur de trésors, fallait-il tant travailler à adoucir et dorer ta vie pour venir sur une plage déserte, aux cris des oiseaux de l'océan t'étendre, les eaux écrasées sous une froide pierre? Fallait-il enfin, noble Porthos, amasser tant d'or pour n'avoir pas même le distique d'un pauvre poète sur ton monument? Vaillant Porthos, il dort sans doute encore, oublié, perdu sous la roche que les pâtres de la lande prennent pour la toiture gigantesque d'un dolmen. Et tant de bruyères frileuses, tant de mousses caressées par le vent amer de l'océan, tant de lichens vivaces ont soudé le sépulcre à la terre, que jamais le passant ne saurait imaginer qu'un pareil bloc de granit et pu être soulevé par l'épaule d'un mortel. En fait, Porthos, c'est un Hercule qui aurait échoué. Alors, c'est un Hercule qui a échoué, en même temps, c'est un Hercule qui a amassé. Ouais. Et c'est un Hercule qui est sensible aussi au cumul des choses, à l'argent, à la somptuosité. Donc il y a toute une sorte de chaîne entre le fait de manger beaucoup et le fait d'avoir beaucoup. Mm-hmm. Et c'est très frappant, ça. Et en même temps, effectivement, ça conduit à quelque chose qui est dans de l'échec. C'est un grattage. Du côté d'une grotte de Belle-Île, en l'occurrence, Florent Quélier. Donc Hercule qui a bien vécu, hein. Qui a bien mangé, qui a bien bu, pour reprendre l'expression 17e, ici-bas, puisque c'est ça qui l'a intéressé dans les différents romans. Et on le voit très bien dans des chapitres au centre du roman, lorsque, après l'affaire des Ferrets de la Reine, D'Artagnan repart pour essayer de retrouver les trois mousquetaires qui sont dans trois auberges différentes. Et à chaque fois, c'est par l'alimentation que Dumas nous donne des informations sur ces trois personnages. Et le premier qui est retrouvé, c'est Porthos. Et Porthos, il est dans une chambre. Et dans cette chambre qui est bien chauffée, on a des marmites avec gibelottes et matelotes, et plats canailles et des bouteilles. Et ce sont des plats canailles pour le 17e et pour le 19e. Et c'est là où on voit que c'est quand même quelqu'un qui aime la vie ici-bas. C'est un bon vivant. Et qui ment en même temps, parce que c'est quand même frappant. C'est quelqu'un qui, au fond, sur lequel on peut totalement compter, et en même temps qui est capable de dissimuler. Et c'est en cela que c'est un goinfre. C'est en cela que c'est un goinfre au sens premier 17e. Il y a quelque chose d'intéressant après l'émission d'hier. Plusieurs de nos auditeurs qui sont d'origine américaine ou d'origine anglaise nous ont salués en nous disant « Mais pourquoi les Français prennent-ils Dumas pour un auteur pour la jeunesse ?» Tout compte fait, on peut lire Dumas maintenant, ses Trois Mousquetaires, ses 20 ans après, ses Vicomte de Bragelonne, en considérant que c'est un grand auteur, point barre. Alors moi, je suis d'accord avec vous, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu une thèse de fait sur l'alimentation dans les romans de Dumas, d'autant plus qu'il est à l'origine... Alors qu'il est quand même à l'origine aussi du grand dictionnaire de cuisine, 1869, et l'alimentation est très présente, et en plus, ce serait particulièrement intéressant parce qu'il y a un jeu sur... la connaissance que lui a du 17e et la connaissance que nous avons du 17e revue par le 19e qui marque notre culture quand même. Georges Vigarello. Bah écoutez, je suis totalement d'accord avec ce qu'il m'a dit. Mais alors pourquoi littérature à la jeunesse ? Moi, je crois qu'il y a deux choses chez Dumas qui font que l'adolescence peut lire ce genre de texte avec passion. C'est d'une part une grande dominante de l'action et d'autre part un texte qui se déroule sous la forme de la flèche. C'est-à-dire qu'il y a des réparties extrêmement rapides, extrêmement courtes, qui font que la tension est toujours maintenue. Donc c'est peut-être pour ça. Mais ça me fait penser sur d'autres plans au fait que Jules Verne est considéré comme un auteur pour absolument. La jeunesse, alors que bien entendu, il a une dimension infiniment plus large que l'espace dans lequel on le circonscrit. Merci à vous, Georges Vigarello. On pourra évidemment conseiller à nos auditeurs de poursuivre la lecture, cette émission par la lecture des Métamorphoses du gras, l'histoire de l'obésité, au seuil également les trois histoires du corps que vous avez co-dirigées. Et on attend avec impatience d'ici quelques années, peut-être, cette histoire des émotions que vous êtes en train de préparer avec d'autres, Georges Vigarello. Et puis pour vous, Florent Quélier, eh bien, lisons avec beaucoup de plaisir, chez Armand Collin, Gourmandise, l'histoire d'un péché capital, avec une préface de Philippe Delerme. On se retrouve demain, Daniel Königsberg, pour évoquer la troisième figure de notre quatuor, à savoir la figure d'Aramis. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonna Bolivier et Aurélie Marseille. Alexandre Dang était à la technique et Véronique Samuilov à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission ou laisser des commentaires sur nos pages www.franceculture.fr.